Chapitre 37e. Dès le soir même, et d'une main que le désespoir faisait trembler, Léopoldine écrivit ces quelques lignes à Henri. « Vous aviez raison. Il ne nous est plus permis de conserver aucun espoir. J'ai vu ma mère, elle m'a ouvert son cœur, et j'ai compris, ce que je ne croyais pas possible ce matin, qu'il y a des choses que l'effort de deux âmes sincères ne saurait renverser. Il faut nous soumettre, Henri. De bonne heure, on m'a appris à lutter énergiquement, et avec toute la résolution d'un esprit honnête et fier, aussi longtemps qu'on peut le faire sans blesser le devoir. Mais à cette limite délicate où le murmure de la conscience vous avertit qu'il est en péril, il faut savoir également s'arrêter. Je m'arrête donc. Ce ne sera pas pour vous une consolation d'apprendre que ma peine est profonde. Je vous le dis cependant. Je veux que vous sachiez que le coup qui vous frappe m'atteint aussi. Appliquons-nous à le supporter. Dieu vient en aide au cœur patient qu'il invoque. Maintenant, ne cherchez plus à me revoir. Il ne faut pas rendre le chagrin trop lourd, quand déjà la volonté suffit à peine à le porter. Quoi qu'il m'arrive dans ma vie et dans la vôtre, un cœur ami vous suivra et pleurera ou se réjouira en pensée avec vous. » Monsieur de Carlepont observait Henri tandis qu'il lisait cette courte lettre. Il le vit changer de visage. « Cela vient de Maingri, » dit-il. « C'est bien fini à présent. Je suis libre. » dit Henri. Monsieur de Carlepont, qui venait de parcourir des yeux la lettre de Léopoldine, les reporta sur Henri. Le bouleversement de ses traits avait quelque chose de navrant. On devinait qu'il luttait de toutes ses forces contre un déchirement intérieur dont il s'appliquait à dissimuler les ravages. À toute minute, la douleur semblait devoir l'emporter. Mais l'âme tendait ses ressorts et il restait le maître. Monsieur de Bléré lui prit la main. « Sursum corda !» lui dit-il, « tu as fait ton devoir. »« Et je le ferai jusqu'au bout, » répliqua Henri. Dans la soirée, Gilbert arriva à Pontkerlé. On sait qu'un grand trouble s'était emparé de lui en pensant à ce frère d'élection, contre lequel il l'emportait. Deux forces combattaient en lui. L'une criait le nom de Léopoldine, l'autre celui d'Henri. Jusqu'alors, il avait écouté l'une de ses voix plus que l'autre. Mais l'amitié est quelque chose de plus haut que l'amitié ne cessait de se plaindre et de protester. Le bonheur même ne lui semblait pas une chose heureuse et désirable s'il l'obtenait aux dépens de celui qu'il avait tant aimé. L'altération qu'il remarqua sur tous les visages le frappa. Il questionna M. de Bléré qui ne lui cacha rien de ce qui s'était passé. Tirant alors Henri à l'écart, « Tu l'aimes donc bien » fit-il. « Si je l'aime !» répondit Henri. La poitrine de Gilbert se souleva. « Oui, tu l'aimes véritablement. Tu l'aimes comme je... » Il s'arrêta en soupirant. « Tu l'aimes comme on doit l'aimer, » reprit-il. Il hésita une seconde, puis changeant de ton. « Que comptes-tu faire à présent ? » ajouta-t-il. « Je ne sais pas. Ce que M. de Carlepont décidera, je le ferai. Nous voyagerons sans doute. Mon projet, s'il l'approuve, est de partir pour la Cormel. Eh bien, donne-moi 24 heures et ne pars pas avant de m'avoir revu. » Henri le regarda. Gilbert frappa du pied. « Ne m'interroge pas, et promets » s'écria-t-il. « Je te le promets, » dit Henri. Aucune instance ne put retenir M. de Lanta. Une heure ou deux après son arrivée à Pontkerlé, il remontait à cheval et disparaissait dans la nuit. Un temps de galop le porta dans une lande dont la solitude et l'étendue lui rappelaient les bruyères au milieu desquelles il avait rencontré Léopoldine. Même silence, même vaste horizon, même transparence dans l'ombre. Il arrêta sa voiture et entra en lui-même. « Ça, voyons, » se dit-il mentalement, « est-ce que je l'aime autant qu'il l'aime ? Cet amour est-il dans mon sang, dans mes entrailles ? Est-ce une chose qui fasse partie de mon être et dont la mort seule puisse me guérir ? Suis-je bien de ceux qui voient dans ce sentiment la raison même et le but suprême de l'existence ? N'ai-je pas vécu un long temps et dans toute la fougue de la jeunesse, sans le connaître ? N'étais-je pas heureux ? Et Léopoldine perdue, n'y a-t-il plus pour moi ni espérance ni recours ? Le monde m'est ouvert, et je puis dépenser librement mon activité. Une autre femme passera et... » Il tressaillit, et regardant autour de lui. « Dans ces lieux, et quand tout me le rappelle, ah, misérable, est-ce donc à l'aide de sophismes et de blasphèmes que je veux me tromper moi-même ? Est-ce là qu'il faut chercher ma force ? Je l'aime, oui, je l'aime, mais qu'importe ? Dois-je éternellement ne rien rendre à qui m'a tout donné ? Je leur dois à tous deux, au Père comme au Fils, l'air que je respire, la lumière que je vois, bien plus encore, tous ces biens, par quoi l'âme s'ouvre et l'esprit s'éveille. Par eux, je suis et je sais. Ils m'ont ramassé dans la poussière d'un fossé et ils m'ont ouvert les portes de la vie. Un temps, on a pu dire que le duc de Carlepont avait deux enfants. Entre nous, il tenait la balance égale. J'avais la moitié du pain, la moitié de la maison, la moitié du cœur. Et maintenant qu'une occasion se présente d'acquitter mes dettes d'un seul coup, j'hésiterai. Allons donc. Si mon cœur murmurait bien, je l'écraserais. J'ai commencé comme un bohémien, je finirai comme un aventurier, voilà tout. Léopoldine sera parmi les ombres, j'aurai traversé l'amour et j'oublierai. Et un jour viendra où son nom même sera pour moi comme un son qui passe dans l'air et meurt sans laisser d'écho. Tout à coup un flot de larmes couvrit son visage. « Je l'aime, je l'aime !» s'écria-t-il. Mais, se redressant et fouettant son cheval qui partit comme un trait, « Eh bien, après ?» dit-il. En arrivant à Maingris, Gilbert ne savait pas encore ce qu'il ferait. Il savait seulement qu'il donnerait à Henri une preuve éclatante de son souvenir. Tout le monde reposait dans le château. Il passa dans une pièce où la conversation se prolongeait quelquefois le soir. Un reste de feu brûlait dans la cheminée. Il y avait une lampe sur la table et sur le pupitre d'un piano, un morceau de musique tout ouvert. Léopoldine s'était assise là. Gilbert se jeta dans un fauteuil, l'esprit fiévreux. Tout lui rappelait celle à laquelle il voulait renoncer. « Ah, que faire ?» se dit-il. En ce moment, le hasard lui fit jeter les yeux sur un journal. On y parlait d'une fête qui devait avoir lieu dans la ville voisine, et à laquelle il n'ignorait pas que Madame de la Morlaix et sa fille devaient assister. Le programme était superbe. Cavalcade, bal, concert, représentation dramatique, rien n'y manquait. On avait emprunté aux villes les plus importantes de la province les éléments d'une journée de plaisir consacrée au soulagement des pauvres. Parmi les artistes en renom, chanteurs et musiciens appelés tout exprès pour la cérémonie et dont la présence devait ajouter à l'éclat de cette solennité, le regard distrait de Gilbert tomba sur un nom dont les trois syllabes le firent tressaillir, comme si elles eussent été investies d'un pouvoir magique et tracées en caractère de feu. « Madame d'Albreuse !» s'écria Gilbert, et il rejeta le journal. Sa résolution venait d'être prise subitement. On se souvient des circonstances qui avaient marqué la rupture de Madame d'Albreuse et d'Henri. On ne remonte jamais les pentes fatales descendues par degrés. Attirée par le gouffre, Madame d'Albreuse y était tombée. Elle avait vu venir le jour où, le cercle se rétrécissant de plus en plus, toutes les portes s'étaient fermées devant elle. Bientôt, elle appartint à ces tribus de créatures déclassées, qui tiennent encore au monde par leur origine et leurs alliances, et n'y touchent plus par leurs habitudes. Monsieur Desbordes était parti, Monsieur le baron de Prats avait été pris par une danseuse. On ne savait pas ce qu'était devenu Monsieur d'Albreuse. Julie fit un pas de plus, et le monde apprit que l'une des plus élégantes femmes qui avait traversé les salons de la chaussée d'Antin, venait de signer un engagement avec le théâtre des variétés. Son nom, elle eut en quelque sorte l'orgueil, ou si l'on veut, la vanité de sa chute, parut sur l'affiche. Elle débuta dans une féerie faite tout exprès pour elle par deux auteurs en vogue, et ses amis lui firent un succès. On vit les loges d'avant-scène et l'orchestre applaudir de compagnie. Madame d'Albreuse salua les jeunes gens de l'orchestre et les femmes en belle toilette des avant-scènes. Elle avait l'apparence d'une voix et la surface du talent. Le reste se devine. Lorsque Gilbert découvrit son nom dans les colonnes d'un journal, Julie était en représentation dans le chef-lieu du département. En un quart d'heure, il lui fait son siège. « Allons, pensa-t-il, j'ai trouvé ce que je cherchais. » Il se leva, promena ses regards autour de lui, s'approcha du piano, embrassa furtivement un gant oublié sur le bord du clavier et se jeta dehors. Le matin venu, Gilbert partit pour la ville où il était sûr de rencontrer Madame d'Albreuse. Sa carte, remise à une camériste qui portait de longs rubans flottants autour de la taille, lui ouvrit la porte du boudoir où se tenait l'actrice. Julie tendit la main au nouveau venu. « Vous n'avez donc pas peur d'être dévoré tout vivant » dit-elle. « Vous savez, je ne suis plus de celle dont on a pu dire. » La mère en permettra la lecture à son fils. Gilbert haussa les épaules et gaiement. « Cela se trouve à merveille !» répondit-il. « Je viens tout exprès pour me faire croquer. Comment l'entendez-vous? Mais cela s'explique de soi. Parlez. J'ai 32 dents à votre service. Je vous ai vu l'autre jour à Nantes. Vous jouiez un travesti. Je ne sais plus dans quelle pièce. Les folies d'été. C'était une féerie dans laquelle j'ai débuté. Vous étiez charmante. On me l'a dit quelquefois. Je ne vous connais même que depuis ce jour-là et une envie irrésistible m'a pris de pousser la connaissance plus avant. Vous êtes gourmand, monsieur de Lanta. Et je m'en vante, madame. Or, vous savez à peu près qui je suis. J'ajouterai seulement que mon cœur est en convalescence et que pour achever sa guérison, il me faut un docteur point trop farouche, un docteur qui aime le bruit et les petits soupers, le mouvement et les belles étoffes. Pour venir en aide au traitement, j'ai laissé en dépôt chez un banquier du voisinage une somme ronde qui demande à prendre son vol. Voulez-vous, par charité, m'aider à lui rendre la liberté ? Madame d'Albreuse mordit le bout de son petit doigt et d'un air de nonchalance. C'est que je suis fort occupé, et j'ai fort envie de vous dire, passez votre chemin, brave homme. Ce serait de la férocité. Les amis des anciens jours n'ont-ils pas quelques droits qu'ils puissent faire valoir ? Les amis, oui, mais les ennemis. Eh, madame, si on ne pardonnait qu'à ceux qu'on aime, où serait la vertu ? Allons, je me rends, reprit Julie avec un sourire, et je mets toutes mes griffes à votre disposition. Une main fine et blanche tomba dans celle de Gilbert, qui la baisa, et tirant presque aussitôt le cordon d'une sonnette. « Vite ! » cria-t-il, « une voiture, quatre chevaux, des jockeys, et qu'on nous serve cela rondement. S'il n'y a pas des cachemires sur les coussins et des roses sur le tapis, je casse le maître de séance et j'en jette les morceaux à la tête des voisins. » Puis, s'inclinant de nouveau sur la main de Julie, « Voici pour le déjeuner. Plus tard, nous souperons. » « Pour un homme qui a si grand appétit, vous êtes bien pâle, » lui dit Madame d'Albreuse qui le regardait. « Laissez, madame, » répliqua Gilbert, « le bonheur a plusieurs livrées. Ceux-ci le portent en rose, ceux-là en blanc. La couleur n'y fait rien. » Une heure après, il était en voiture avec Madame d'Albreuse. La calèche était attelée de quatre chevaux et conduite à la Daumont par deux jockeys. La foule qui remplissait les rues s'écartait pour la laisser passer. Les bonnes gens des campagnes saluaient et disaient entre eux que c'était Monsieur le Préfet avec Madame la Préfète. Julie, enveloppée de fourrure, riait dans son coin. Elle examinait son compagnon à la dérobée et le trouvait charmant. Il lui semblait seulement que pour un homme qui faisait des folies, il les faisait trop sérieusement. Tout à coup, elle se souvint de Henri. « C'était votre ami, je crois, » dit-elle, « votre meilleur ami. » « Il l'est toujours. »« En effet, vous le lui prouvez, » répliqua-t-elle en passant coquettement la main sur son manchon. « C'est vrai, plus vrai encore que vous ne le supposez, » répondit Gilbert, « et cela de tout mon cœur. » Il donna ordre au jockey de passer sur la grande place où la fête avait le plus de mouvement. C'était là qu'il était sûr de rencontrer Madame de la Morlaix et sa fille. Une grande rumeur l'y précéda. On n'était pas habitué à tant de magnificence dans cette petite ville, et les flots de la multitude se pressaient autour de la calèche pour l'admirer. « C'est vraiment comme une première représentation, » dit Madame d'Albreuse. « Et vous en avez tous les honneurs, » répondit Gilbert. Cependant, quelques personnes qui l'avaient applaudi à Nantes commençaient à reconnaître l'actrice, et son nom volait de bouche en bouche. On y mêlait celui de Gilbert. Monsieur de Lanta avait de petits frissons entre les épaules en les entendant prononcer l'un après l'autre et par les mêmes bouches. Il lui prenait les envies folles de battre sa voisine, tandis qu'elle le regardait d'un air doux. Tout à coup, son cœur cessa de battre. Il venait d'apercevoir Léopoldine à l'autre bout de la place, dans la foule, comme un oiseau de proie découvre une alouette dans les jeunes blés. Il eut un instant la pensée de s'enfuir et posa la main sur le bouton de la portière. Mais se raffermissant dans sa résolution, il l'ouvrit brusquement et offrit son bras à Madame d'Albreuse qui descendit. Une boutique d'orfèvrerie se trouva devant eux. Il s'y arrêta, toujours suivi d'un gros de curieux, et choisissant le plus beau bijou mis en étalage, il l'attacha au bras de Julie. « Si vous avez toujours de ces façons princières, dit-elle, la somme ronde dont vous m'avez parlé ne nous mènera pas jusqu'à la fin du mois. »« Je l'espère bien, » répliqua Gilbert. Il poussa plus avant dans la direction de Madame de la Morlaix. Ses jambes tremblaient, ses oreilles tintaient. Il avait horreur de Madame d'Albreuse et de lui-même. Monsieur de Fortmaison, qu'il avait rencontré et qui n'en pouvait croire ses yeux, venait d'offrir son bras à Léopoldine et s'efforçait de l'entraîner plus loin. En ce moment, et comme averti par une sourde rumeur, elle retourna la tête. Madame de la Morlaix aperçut Gilbert et reconnut Madame d'Albreuse qu'elle avait vue au théâtre de Nantes dans un précédent voyage. Elle se rapprocha vivement de sa fille. Gilbert passa devant elle, plus pâle qu'un cadavre, la longue jupe éclatante de Julie balayait la terre. Par un mouvement instinctif, Léopoldine écarta le pan de sa robe. Malgré lui, Gilbert leva les yeux. Son regard était si triste, si plein d'une désolation morne et profonde, que Léopoldine se sentit prise de pitié. Elle vit ses lèvres remuées. « Adieu, » dit-il d'une voix qui glissa son oreille comme un souffle. Il s'enfonça dans la foule, laissant derrière lui tout son bonheur. Pendant toute la journée, il traîna Madame Dalvreuse sur ses pas, la mort dans l'âme. Quand vint le soir, Julie le ramena du côté de son hôtel. Le souper devait être servi. Elle entra dans une salle magnifiquement éclairée. Un domestique lui présenta un bouquet. « Rien n'y manque, » dit-elle, « pas même le bouquet de fiançailles. » Elle approcha le bouquet de ses lèvres, en tira une rose, et faisant signe à Gilbert de s'approcher. « Venez, je vous dois bien quelque chose en retour de ces surprises. Mettez-vous là, à genoux, et recevez-en le prix. » Gilbert s'approcha, mais en prenant la rose qu'il fit voler par la fenêtre, il éclata. « Et vous avez pu croire que je vous aimais ? » s'écria-t-il. « Et vous avez pu penser que je m'assierais à cette table près de vous ? La comédie est jouée, je déchire le rideau. Prenez tout, et si votre faim s'est éveillée, le festin est servi, mangez. » Il jeta sur la nappe un chiffon de papier revêtu de sa signature, poussa la porte et se précipita dans l'escalier. Madame Dalvreuse s'était levée, le visage en feu. Elle vit le chiffon de papier, le prit, et parcourut du regard les mots nets et précis, et s'élança vers la porte, le tenant tout froissé à la main. Gilbert était déjà dans la rue. Alors, déchirant le papier en mille pièces, elle en poussa les débris vers le feu. Mais tout à coup, elle les ramassa d'un geste convulsif, et les serrant dans une enveloppe qu'elle signa de son nom, elle tira le cordon d'une sonnette. « Il verra que la bohémienne a été une grande dame, » dit-elle. Un garçon de l'hôtel entra. « Ceci est monsieur le comte Gilbert de Lanta, » dit-elle. Restée seule, elle jeta un châle autour de ses épaules. Une glace qui occupait toute la hauteur du mur lui renvoyait son image. Sa pose et le mouvement de son corps étaient pleins de charme et de dédain. Elle se trouva belle, s'arrêta une minute et souriant. « L'imbécile !» murmura-t-elle. Un instant après, elle sortait d'un palais.